Document 3, page 90. Vous avez suivi le procès d'Yves Boisson ? Non, pas vraiment. Ils en parlent beaucoup à la radio en ce moment. C'est incroyable, cette histoire. Pourquoi ? Parce qu'il est peut-être innocent. Il a raconté qu'il était allé au cinéma le jour du crime et qu'il était monté chez Julie après. Le lendemain, il a répété la même chose, mais deux jours après, il a dit que ce n'était pas vrai. Et il s'est mis à pleurer. Vous croyez que c'est une erreur ? Peut-être. Il est en prison depuis 2 ans déjà. Tous les voisins ont affirmé qu'il était coupable. Ils se sont peut-être trompés. Si les journaux ne parlaient pas tout le temps de cette histoire, les gens ne diraient pas n'importe quoi. Pour passer à la télé, ils sont prêts à tout. Ça, c'est vrai. Hier, le juge lui a demandé pourquoi il avait avoué. Il lui a répondu que personne ne voulait le croire quand il disait la vérité. Il a expliqué qu'il avait eu peur des policiers, qu'il était fatigué et qu'il ne voulait plus qu'on lui pose de questions. Oui, ça doit être difficile de se sentir seul contre tous. Oui, j'avoue que je ne sais pas ce que je ferais dans cette situation. J'espère bien que ça n'arrivera jamais.